on continue avec donc la petite princesse belge de l'accordéon, Erika. Et c'est Mexico. J'ai gardé ta photo et c'est Étienne Lorrain. Que voici, que voilà. Et toujours avec Étienne Lorrain, c'est Fandango d'Espagne. Radio Arc-en-Ciel, on continue l'accordéon jusqu'à 18h, comme chaque samedi, et c'est avec Erika, la petite princesse belge de l'accordéon, et ce sera la mélodie des copains. Auditrices et auditeurs, n'essayez pas de m'appeler, je suis en panne, enfin, la radio est en panne de téléphone. Et on continue bien sûr l'accordéon. Alors on va. Petit problème technique. Voilà. L'âme des poètes, et c'est Étienne Laurent. Maintenant Jérôme Jean-Antoine, place du Capitole. Thank you. écoute maintenant Indifférence par Delphine Lemoine. C'est bon l'accordéon avec Étienne Laura. Thank you. ensemble et notre vie sera belle comme des chansons en écoutant ma mère d'accordéon. Amédida, et c'est Amédida, et c'est qui le chante, qui le joue? Delphine Lemoine. Oui, alors là, il y a un petit problème. Eh oui, problème de lecteur. Qui n'a pas... Il ne m'obéit pas. Et on écoute maintenant Erika avec un tango 1930. suivre Delphine Lemoine, Le jour des étoiles. La FM en couleur. Suite à la panne de téléphone de la radio, vous pouvez me joindre au 06. J'ai perdu le fil, ça y est. Bon, mais je leur donnerai tout à l'heure parce que il y a des petits problèmes, n'est-ce pas? Non, voilà. Vous pouvez me joindre sur mon portable au 06 50 02 88 38 02 50 02 88 38. Et on continue bien sûr avec Étienne Laura maintenant. Et Étienne Laura va nous jouer Ma petite folie. Thank you. Et on continue bien sûr en accordéon avec cette fois-ci Jérôme Jean-Antoine. Et il nous interprète la tarentelle à Corfou. Jérôme Jean-Antoine. Avec toi, interprété ici par Marcel Azola. Thank you. Ça termine, je suis... Et mon téléphone portable, bien entendu. Alors, on va passer maintenant un petit morceau. C'est toujours des petits morceaux. La Java de la Marine par Erika. Et c'est pour le plaisir personnel de Françoise et Bertrand de Boigny-sur-Biorne. Merci de votre appel. Alors, on écoute donc Erika. Petite manœuvre. Et on va y arriver. We'll be right back.

dédicace pour continuer avec Jérôme Jean-Antoine. Et ça s'intitule « Cœur de Bouligne ». Drôle de titre d'ailleurs pour nous, « Cœur de Bouligne ». C'est de la part d'Aliette pour elle-même, bien sûr. Et puis pour l'animateur, merci Aliette. Et puis bon courage, meilleure santé. À bientôt. Le numéro à joindre pour les dédicaces, le 06 50 02 88 38. Je répète, 06 50 02 88 38. Continue, 17h passées de 6 minutes, avec Charles Bazin, non pardon, Jean Privat, excusez-moi, Gosse de Paris. We'll be right back. Eh bien, on va écouter maintenant un medley de slow par André Lope, un autre Belge. Et on l'écoute tout de suite, sans perdre de temps. Dix-sept heures passées de 9 minutes. Avec André Lope, et on écoute un medley des chansons d'Edith Piaf. 17h13 minutes. Une petite information, vous n'aurez pas d'émission de sport ce soir, suite à des problèmes techniques. Voilà. Donc je vous laisserai en compagnie d'RDP International, en direct du Portugal. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Eh bien, on va faire un point maintenant en météo. Météo Consulte nous envoie les prévisions pour les 15 jours à venir. Et actuellement, à Orléans, il fait 27 degrés sous abri pour 28 prévus. L'erreur n'est pas grosse. Demain dimanche, 15 degrés le matin, 29 l'après-midi. Lundi, plein soleil, 13 et 30, figurez-vous. 14 et 24 pour mardi, toujours plein soleil. Mercredi, 9 le matin et 20 l'après-midi. Petite chose que j'ai presque oubliée. J'avais presque oublié l'indicatif. Hein. Mercredi, plein soleil, 9 le matin, donc 20 l'après-midi. Jeudi, 20 l'après-midi, 9 le matin, plein soleil. Vendredi, plein soleil, 21 l'après-midi, 8 le matin. 8 pour samedi prochain, 25 l'après-midi, plein soleil. Plein soleil pour dimanche, avec 29 et 15. Hein. Lundi, risque de petites averses éparses. 25 l'après-midi, 19 le matin. Temps à moitié couvert pour mardi, 14 et 21. Mercredi, quelques giboulées. Pas de neige, hein, d'eau. 17 et 20. Jeudi 26, 13 le matin, 20 l'après-midi. Temps couvert. Plein soleil, vendredi 27, 10 et 20. Et enfin, samedi 28, plein soleil avec 11 et 22. Le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Qu'on en domine sur la boule ronde. Promettons-nous de faire bien mieux. Moi, je ne suis qu'un troubadour sans grand pouvoir. Mais je voudrais, à ma façon, refaire l'histoire. Chacun sa chance et tout l'amour à partager. Ça doit suffire pour être ensemble du bon côté. Le soleil doit briller pour tout le monde. Chacun sur terre a droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes que tout soit rose sous le ciel bleu. Et orange, et on est avec vous sur le canal 230. Regardez comment les choses se profilent. C'est le soleil qui l'emporte. 13 pour Vendôme, Chartres. 13 aussi localement attendu à Chinon, 16 à Gien, 14 à Orléans. Et puis, dans le courant de l'après-midi, l'ambiance se met, j'allais dire, à la chaleur. On peut parler de chaleur, effectivement. 31 à Blois. On peut même parler localement de forte chaleur. 33 pour Châteauroux, 32 à Saint-Amand-Montrond, 30 pour Montargis. La suite, c'est donc notre journée de lundi où le soleil l'emporte très largement, comme vous le voyez. 11 à Châteaudun, 13 attendu à Vendôme ou encore 14 à Gien. Et puis, dans l'après-midi, progression des températures. Toujours un joli soleil. Et 33 pour Châteauroux, 33 à 31 pour Sancerre. Un nouveau point ici, ça sera... Sous le ciel bleu, le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Tournons 2000 sur la boule ronde. Promettons-nous de faire bien mieux. Le soleil doit briller pour tout le monde. Chacun sur terre a droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes, que tu sois rose sous le ciel bleu. d'informations à vous donner, pas de concurrents, de collègues. Pour ceux qui ont Internet, qui ont un ordinateur, vous pouvez vous taper sur Google, vous tapez RCF Ambéry, c'est-à-dire Radio Chrétienne de France Ambéry, RCF Ambéry, et vous cherchez dans des M, il y a tout l'alphabet, vous cliquez sur M comme Monico, parce que notre ami Monico, professeur d'accordéon, professeur de musique, de piano, de synthé, etc., etc., a fait ses débuts sur cette radio la semaine dernière en remplacement de Manu Blanchet. Alors on va essayer, si on peut, de faire un direct et d'écouter sa première émission. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin avec votre émission Les Accordéons. Nous allons commencer cette émission avec un tour de France de l'accordéon. La première région que nous allons visiter ce matin, c'est donc la région Hauts-de-France, et nous allons écouter Michel Pruvot qui va nous jouer à Rosas en Espagne. Cette émission a lieu le samedi et le dimanche et est enregistrée dans les studios de RCF Ambéry à Bourges et diffusée sur le département du Cher et de l'Indre. Bonne chance à notre ami Thierry, et puis bon courage. Parce que outre son accordéon, ses écoles d'accordéon, son orchestre, Thierry a donc rajouté animateur accordéon, des émissions de Zaccordéon, voilà. Et il m'a promis de revenir avec ses amis Charles Cassonnet et Jacques Tourvin dans quelques semaines. À Rosas, en Espagne, on arrive de partout, c'est pour danser. À Rosas, en Espagne, on la court pour faire la fête et s'amuser. Quand on voit tourner les robes, c'est magique à en rêver. À Rosas, en Espagne, on ne pense qu'à une chose, c'est danser. Partout c'est pour danser. À Rosas, en Espagne, on a cours pour faire la fête et s'amuser. Quand on voit tourner les robes, c'est magique à en rêver. À Rosas, en Espagne, on ne pense qu'à une chose, c'est danser. À Rosas en Espagne, voilà, rien de mieux pour nous mettre de bonne humeur dès le matin. Alors nous allons continuer notre petit tour de France en allant en région Limousin. Et nous allons écouter Pierre-André qui va nous interpréter « Adieu l'Auvergne ». Thank you. Eh bien voilà, mon ami Thierry, à fort bientôt, on en parlera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on continue avec avec un medley signé André Lop. Non, c'est même pas André Lop, c'est un medley Dalida. Dalida, les chansons de Dalida, bien sûr. Ce ne sont pas les chansons de André Lop. Et c'est Jean Ardoin. À 7h29, à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Occupé sur mon téléphone, donc petite erreur de ma part, je m'en excuse. C'est pas un medley Dalida, c'est un medley disco. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. 17h passées de 34 minutes. Il nous reste une vingtaine de minutes d'accordéon. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour l'accordéon de nos régions, comme chaque dimanche. Plaisir des bois, et c'est Momo, Maurice l'Archange. La valse foraine maintenant, et c'est Hector Delfos. We'll be right back. Et on continue avec un medley, cette fois-ci, de Jean Ardoin. Ça s'intitule le medley tropical. Tropical. Donc, il n'y aura pas d'émission de sport ce soir. Ceci pour des ennuis techniques. Prochaine émission, je l'espère, on l'espère, samedi prochain. 17h, passé de 52 minutes, pendu dans Radio Arc-en-Ciel, j'ai un chat dans la gorge. Et on continue avec Jean Ardoin. Ah, décidément, on a des problèmes techniques. Je ne sais pas d'où ça vient. Passé de 55 minutes de la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On va se quitter dans 5 petites minutes, parce qu'il n'est pas loin de 17h56. Je vous laisse en compagnie de RDP International en direct du Portugal. Rendez-vous demain midi, pardon, 12h30, 15h, l'accordéon de nos régions. Bonne soirée à tous et à toutes. Actuellement à l'antenne, le fameux medley Jean Ardoin. C'est des chansons de Dalida. Il nous a fait l'honneur de revenir quand même. Radio Arc-en-Ciel.